الحمد لله كما ينبغي لجلال قدره ولعظيم سلطانه. الحمد لله على جميل أنعمه وآلائه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلقه وخاتم رسله وأنبيائه وعلى آله وأصحابه. إخوة الإيمان، في هذه الجمعة المباركة، في هذا اليوم الأغر، خير يوم طلعت عليه الشمس، نواصل وإياكم في هذه النفحات أو استنشاق هذه النفحات المباركات من عبق أخلاق مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيمه الجمالية، واليوم مع قيمة جديدة وهي الخدمة. ومنطلقنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الطبراني في الكبير وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج، وصنفه كثير من علمائنا حسنا، عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله في قلب مسلم أو على قلب مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولا أن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه لأمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل، وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وفي رواية أخرى: الخلق عيال الله، أحبكم إلى الله أنفعكم لعياله. Mes chers frères, mes chères sœurs, toujours dans cette série de beauté, d'élégance et de convenance inspirée des valeurs de la beauté de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa beauté comportementale, ce qui nous a transmis comme valeur, eh bien, nous allons aujourd'hui aborder avec vous une valeur très importante qui nous manque cruellement. Il s'agit du service. Il s'agit du service. Ton prochain, tu serviras. À partir d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est assez long, je viens de le citer dans sa langue originale, mais on va retenir une phrase importante dans ce hadith. C'est que Allah tabaraka wa ta'ala nous informe par la langue de son prophète sallallahu alayhi wa sallam que le plus aimé chez Allah tabaraka wa ta'ala, c'est le plus utile à ses créatures. Le plus aimé à Allah tabaraka wa ta'ala, c'est pas celui qui passe toute la nuit à prier ou tous les jours à jeûner. C'est celui qui est le plus utile à ses créatures. Il a dit ses créatures. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: les créatures d'Allah sont iyalullah, ya'ulouhum, c'est-à-dire c'est lui qui pourvoit à leur subsistance. C'est lui le razzaq, ya'ulouhum, i'ala. Le plus aimé à Allah tabaraka wa ta'ala parmi ses créatures, c'est qui? C'est lui qui est à leur service. C'est lui qui est le plus utile à ses créatures. Et nous avons aussi une autre version de ce hadith qui nous dit: Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Et Allah va venir en aide au serviteur à partir du moment que lui, il est au service de son prochain. Condition: si tu veux que Allah tabaraka wa ta'ala te soutienne, dans les moments difficiles, qui t'exauce, qui soit avec toi, eh bien, soit avec ses créatures. Il a dit les créatures. Il n'a pas dit les musulmans. Il n'a pas dit les humains. Il a dit les créatures. On va voir les exemples par l'action de Sayyidouna Muhammad, notre modèle, comment justement il était au service des créatures au pluriel. Pas seulement les humains, mais également le règne animal et végétal, voire même les objets inanimés. Comment, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait preuve de bienveillance et de bienfaisance avec toutes les créatures d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Puisque si Allah les a créées, c'est bien pour quelque chose. Allah ne crée rien en vain. Amrun muhimmun jiddan ikhwat al-iman. Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihi al-aziz amarana wa qala. Wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa. Wa la ta'awanu ala al-ithmi al-udwan. Allah nous ordonne dans le Coran, il nous dit entraidez-vous dans le bien et la piété. Et ne vous entraidez pas dans le péché et l'agression. Et il nous dit également dans le Coran وَرَفَعَ بَعْدَكُمْ فَوْقَ بَعْدٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُكُمْ بَعْدًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. سُخْرِيًّا بِمَعْنَى بَعْضُكُمْ تَسْخِيرٌ لِبَعْضٍ سُخْرَةٌ لِبَعْضٍ بَعْضُكُمْ يُكَمِّلُ بَعْضٍ بَعْضُكُمْ فِي خِدْمَةِ بَعْضٍ. Allah tabaraka wa ta'ala clairement dans le Coran nous a dit par sa sagesse il a élevé certains, il a privilégié certains sur d'autres, que ce privilège soit matériel ou spirituel. Pour quelle raison? Pour quelle sagesse? Quel est le secret? C'est pour que chacun soit au service de l'autre, chacun se complète avec l'autre. Cette richesse, cette diversité est une complétude, les uns par les autres. En bonne intelligence, on se complète. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de sous-homme. Nous sommes tous égaux pour Allah tabaraka wa ta'ala. Le meilleur d'entre nous est le plus pieux. Et il nous est demandé, par rapport à cette différence, ou ces privilèges des uns par rapport aux autres, de les utiliser pour le service, pour se compléter, et non pas pour la moquerie, pour se moquer les uns des autres. Non, pour être au service les uns des autres. Chacun complète l'autre. C'est très important. La sunna va plus loin. Écoutez ce que nous dit Sayyidouna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. أيما أهل عرصة أمسى وفيهم جائع فقد بارئت منهم ذمة الله ورسوله. وهذا الحديث يقويه طرق أخرى، منها طريق البزار والطبراني، حيث يقول، حيث يخرج الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما آمن به من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. قال العلماء هذا فرض كفاية، تكلمنا عن الفروض كفائية. فرض كفاية أن تطعم جائع من أهل الحي أو الغريب من أهل الحي، فإذا لم يفعله أحد أثم الجميع. فرض كفاية. Je disais le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit si des gens d'un quartier donné passent la nuit chez eux quelqu'un qui est affamé, quelqu'un qui a faim, un étranger de passage par exemple, que personne ne prend soin de lui, alors qu'est-ce qui se passe pour eux? Allah et son prophète se désavouent d'eux. Donc cette solidarité humaine, mes chers frères, mes chères sœurs, n'est pas une option, c'est une obligation. Les ulama ont dit suite à ce hadith qu'il s'agit d'un fard kifaya, d'une obligation communautaire. Si une petite partie de la umma, de la communauté, le font, alhamdulillah, les autres, c'est pas grave. Mais si personne ne le fait, eh bien, on sera tous exposés au châtiment d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Parce que c'est très grave de ne pas faire attention aux créatures d'Allah, de ne pas être vigilant et bienveillant envers les créatures d'Allah. Le service du prochain, c'est le chemin vers la satisfaction d'Allah. C'est le chemin royal vers le paradis. C'est le chemin le plus facile vers le paradis. في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شعب الإمام الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. Dans le hadith sur les branches de la foi, on l'a déjà abordé, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne un encadrement, un encadré, un périmètre. Il nous dit la plus haute branche de la foi, c'est la ilaha illallah. Il n'y a de divinité si ce n'est Allah. En somme, ce rapport avec Allah tabaraka wa ta'ala, à travers ton culte, à travers ton intention pure pour lui, dans tout ce que tu fais. Wa adnaha imatat al-ada 'an at-tariq. Et là, il nous donne un acte comportemental vis-à-vis de ton prochain, qui est quoi? Le plus bas, le plus accessible. Enlever ce qui barre ou ce qui gêne ou ce qui nuit à la route des gens, de la route des gens. On avait dit la dernière fois, quand on a parlé du civisme, que le prophète nous a informé que quelqu'un a joui de son séjour au paradis parce qu'il avait enlevé un arbre mort qui barrait la route des gens. Qu'est-ce qui t'empêche, mon cher frère, mon cher sœur, quand tu vois un pot de banane, par exemple, l'enlever pour empêcher quelqu'un de glisser, par exemple? Et là, tu as une récompense d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et tu as accompli un acte de la foi. L'iman. C'est ça l'iman. Ce n'est pas juste des mouvements, une forme morte. C'est un fond, c'est un comportement. Comme Allah tabaraka wa ta'ala nous a exigé des obligations culturelles, il a également exigé de nous des obligations comportementales. C'est-à-dire une espèce de bienveillance vis-à-vis de notre prochain. C'est très important. Ça fait partie intégrante de notre religion. Et nous avons malheureusement négligé cette partie humanitaire, cette partie humaine. Et Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était dans cette bienveillance et dans ce service avec tout le monde, avec toutes les créatures. Avec toutes les créatures. Même avec ses pires ennemis. Sa générosité a dépassé ce qu'on peut imaginer. Les polythéistes venaient à lui, leur donnaient sans compter. Au point que quand ils revenaient dans leur tribu, ils disaient à leurs amis, Muhammadun yu'ti ata'a man la yakhafu al-faqr. Ce Muhammad, il donne comme s'il était le plus riche, comme s'il avait un puits d'or, comme s'il ne craignait jamais la pauvreté. Et c'est bien ça, parce que c'est Allah qui donne. Comment tu peux être pauvre si tu mets ta confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala? Parce que c'est lui qui pourvoit à nos subsistances. Donc sois généreux et tu verras, Allah sera généreux avec toi. Sois au service de l'autre, tu verras, Allah sera avec toi. Et si ce n'est pas avec toi, avec tes enfants. Combien j'ai d'histoires comme ça de personnes qui ont rendu service, et Allah, tabaraka wa ta'ala, leur a rendu ce service à travers eux, dans ce bas monde, mais même après leur mort, pour leurs enfants, en faveur de leurs enfants. هذا هو الاستثمار الصحيح. أن تعين مخلوقة الله. Et pour terminer, il y a un hadith que j'aimerais qu'on l'apprenne, si on peut, et qu'on l'apprenne aussi à nos enfants. Et je finirai par une toute petite histoire, parce que le hikayat sur Qawil Iradat, il faut toujours finir avec des anecdotes pour que ça s'enracine. Sayyiduna l'imam Malik, كان لا يخاف في الله لومة لائم. نصح هارون الرشيد. قال له لا تصاعر خدك للناس وقال له إني سمعت أو وصلني من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة اسمعوا وعوا كل هين لين سهل طليق حفظوها كل أهل الجنة كل هين لين سهل طليق هذو ما أهل الجنة صفات أهل الجنة من أراد أن يعرف صفاتهم هذا الحديث أهل الجنة كل هين لين سهل طريق الإمام مالك dans sa وصية dans sa recommandation à Harun Rashid il lui disait sois humble et au service des autres parce que on m'a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam que les habitants du paradis les gens du paradis c'est qui ce sont les doux les joviaux les faciles à vivre, les souriants, les avenants. Kullu hayyinin, layyinin, sahlin tariq. Au point même que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans une version du hadith, Il nous dit qu'il y a des personnes qui seront sur des chairs de lumière au jour du jugement. Ala marabira min nur. Yaghbituhum bimakanatihim. Al-anbiya wa shuhada. Omarum bil anbiya wa la bil shuhada. Les prophètes et les martyrs aimeront être à leur place. Mais ces gens-là ne sont ni des prophètes ni des martyrs. Alors on demandera au prophète Sama, mais qui c'est ces gens-là finalement? Donne-nous leur distinction, leur marque distinctive, leur qualité, pour qu'on sache qui sont ces gens-là. Bien sûr, il y a une version qui nous dit ce sont les gens qui s'aiment en Allah. Ça, c'est une version. Mais il y a une autre version qui m'intéresse aujourd'hui, parce que j'ai déjà parlé de l'amour d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et en Allah, et entre nous, en Allah. Mais la version de ce hadith authentique qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la suivante. هم قوم تقضى على أيديهم حوائج الناس. هم قوم تقضى على أيديهم حوائج الناس. Ce sont des personnes qui, grâce à eux, le besoin d'un tel ou d'un tel a été comblé. C'est des gens qui sont au service du prochain, gratuitement. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Et c'est ça l'idée, mes chers frères, mes chères sœurs. Il ne faut pas attendre un retour de cela. Ici-bas, non. Il ne faut pas faire ça pour avoir l'éloge des gens. Non, il faut le faire pour Allah. Il faut que ton comportement soit avec Allah. Même si cette personne-là ne t'a pas rendu l'appareil, toi, tu fais ça pour Allah. Tu fais le commerce avec Allah. Tu oublies l'éloge des gens. La nuridu minkum jaza'an wa la shukura. Inna nakhafu min rabbina yawmal 'abus al-qamtarira. Tu le fais pour Allah et tu l'oublies. Tu rends service et tu oublies. Voici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre modèle, qui marchait. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, marchait. Marchait comme les gens, comme monsieur tout le monde. Il marchait dans les marchés, il se mélangeait aux gens, à tous les gens. Et il trouve une femme, une vieille femme, qui a du mal à porter sa charge. Il ne lui demande pas sa religion, non. Il lui propose de l'aider, tout simplement. De l'aider. Elle avait besoin d'aide, il l'aide. Il porte cette charge, sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il est ce qu'il est. Il porte cette charge. Jusqu'à arriver à côté de la maison de cette dame. Il pose cette charge. Et la dame, elle lui dit, mon fils, moi je suis une femme très pauvre. Je n'ai pas de quoi te récompenser. Parce que chez nous, quand quelqu'un nous rend service, on le récompense. Et ça fait partie aussi de la sunna, vous le savez. Quand quelqu'un nous rend service, il est sunna de le récompenser ou de faire la prière pour lui. Donc elle lui a dit, je vais faire une prière pour toi, mon fils. Puisse les dieux de la Mecque t'épargner la magie de Mohammed. Alors elle lui dit, c'est moi. Il sourit, sallallahu alayhi wa sallam. Il était toujours souriant, sayyidina Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, c'est moi, Mohammed. Alors elle lui dit, si c'est toi, Mohammed, j'atteste qu'il n'y a de divinité si ce n'est Allah et tu es son prophète. Voici la da'wah. Voici la belle communication de la religion. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, voilà comment il a combattu la diffamation des médias. Les médias de l'époque. Les médias de l'époque, c'était Abu Lahab, Abu Jahl, etc. Qui ont dit de lui menteur, kadhab, sahir, kahin. Il a répondu comment? Est-ce qu'il a passé son temps à leur dire, ah ben non? Il a répondu par le service, par le comportement, par le bel agir, par la beauté. Par la beauté. Voici le comportement de Sayyidina Muhammad Sallama qui a valu que cette femme reconnaisse la réalité, la vérité de Sayyidina Muhammad Sallama. Soyons-nous aussi, comme ce geste de Sayyidina Muhammad Sallama, des personnes qui démystifient cette religion, qui montrent cette religion sous son meilleur jour, en étant au service du prochain, quel que soit ce prochain. Quel que soit ce prochain. Sayyidina Muhammad Sallama, il était bienveillant même avec l'animal. Le chameau, on a déjà cité ça, son histoire. Même avec l'objet inanimé, dans le Bukhari, lorsque Sayyidina Muhammad sallam, on lui a construit un minbar, une chaire en bois, il a quitté son tronc d'arbre, son tronc de palmier, le tronc de palmier a gémi. Parce que le Sayyidina Muhammad sallam lui manquait. Sayyidina Muhammad sallam, il est descendu de son minbar pour aller consoler, prendre dans ses bras ce tronc de palmier. Voyez la bienveillance, même par rapport aux objets inanimés. Soyons comme Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons être sur la trace de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui était la miséricorde envoyée à qui? Aux univers, rahma lil alamin. Il n'a pas dit une miséricorde envoyée juste aux musulmans. aux humains, aux univers, l'alamin. Vous voyez, ce petit exemple de cette vieille femme nous démontre comment le comportement peut changer les choses. ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. اسال الله لي ولكم التوفيق والسداد وحسن الاستماع وحسن الاتباع. الحمد لله الواحد بلا عدد، الحمد لله رافع السماء بلا عمد، الحمد لله لم يولد ولم يلد، صلاة والسلام على المبعوث بالرشد وآله وصحبه والمقتدي إخوة الإيمان. خطب عمر بن الخطاب يوما في من معه وقال: ادعوا إلى الله وأنتم صامتون. قالوا: يا أمير المؤمنين، كيف ندعو إلى الله ونحن صامتون؟ قال: بأخلاقكم. قال: بأخلاقكم. Un jour, l'émir des croyants, Omar ibn Khattab, le deuxième calife, a fait un petit prêche très bref, très précis, très concis. Il a dit: appelez au chemin d'Allah, soyez des témoins par votre beau comportement, par votre bel agir. Soyez, il a dit plus exactement la chose suivante dans son prêche: appelez au chemin d'Allah en étant silencieux. Dans le silence, il a dit. Ils ont dit: mais comment on peut faire silence? Comment on peut faire la da'wah tout en étant silencieux? Comment est-ce possible? Il a dit: par votre bon comportement, par votre bel agir. Ud'u illahi wa antum samitun. Je veux simplement réagir en quelques secondes sur ce qui s'est passé cette semaine, puisqu'il y a eu un incendie ravageur, une catastrophe nationale, la perte d'un patrimoine national, la perte d'un patrimoine de l'humanité, qui est Notre-Dame de Paris. Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu fi kitabihi al-aziz: wa lawla difa'u Allah, wa fi riwayati Hafs daf'u Allah, nas ba'dahum bi ba'd, lahudimat sawami' wa bi'un wa salawat wa masajid yuzkaru fiha ismu Allah katiran. Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran nous dit: si ce n'est pas Allah qui repousse les gens les uns par les autres, seraient détruits des églises, des ermitages, des oratoires, des synagogues et des mosquées où le nom d'Allah est invoqué abondamment. La protection des lieux de culte, mes chers frères, mes chères sœurs, la préservation des lieux de culte de toutes les religions est un devoir, est un devoir. J'ai entendu, j'ai vu, j'ai lu des propos qui sont, on va dire, pas seulement décevants, mais grave et dangereux. Grave et dangereux. Des propos très graves de nos co-religionnaires sur cet incident, que je ne vais pas répéter ici. Nous avons présenté notre compassion à toute la communauté nationale et en particulier à la communauté chrétienne. C'est la moindre des choses d'exprimer de la compassion vis-à-vis d'un malheur, d'une incendie, d'une catastrophe. C'est un sentiment pas seulement musulman, mais également humain. L'islam n'est pas quelque chose qui sort de l'humain, qui est une rupture avec l'humain. Non. L'humanisme et l'islam sont associés. On ne peut pas, devant ce ravage, devant cet incendie, insulter et dire des choses qui vont à l'encontre de notre religion, puisque Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: wa la tujadilu al-kitab illa billati hiya ahsan. Ne discutez avec les gens du livre que de la manière la plus belle, la plus douce. Et je vous rappelle, et je vous invite à lire et à relire la sira. Je vous rappelle que Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife, quand il est parti à Jérusalem, fatihan, il a instauré ce qu'on appelle al-uhd al-umariyya, l'assurance omarienne, qui est encore en vigueur aujourd'hui. Numéro, document de l'archive patriarcale de Jérusalem, numéro 552, pour ceux qui aiment le détail et la précision. Dans ce document, Omar ibn al-Khattab, qui est meilleur que vous et moi, qui est un compagnon de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est mort alors qu'il était satisfait de lui. Al-Faruq, الذي يفرق بين الحق والباطل. Qui sera meilleur que lui? Qui sera plus scrupuleux que lui? il avait dans cette uhda, il s'est engagé lui-même et les croyants avec lui de protéger les églises, les synagogues de Jérusalem. Lisez et relisez la uhda omariya, l'assurance omarienne. Et Malik, dans ses sources secondaires de loi, il a émis ce qu'on appelle saddud dara'i. انطلاقا من قول الله تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فيسبوا الله عدوا بغير علم انت تسبهم فسيسبك ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم يسخص فقه في هذا الامر فقه الواقع دونك مي شيخ فرير مي شيخ سور je m'invite moi-même et vous aussi à méditer sur notre rôle ici, dans notre pays, la France. Nous devons être une valeur ajoutée positive. Nous devons montrer cette belle religion par la beauté de notre comportement, par le bel agir, par le sourire. Le minimum vital, c'est le sourire. Le minimum de service que tu peux rendre à toute la communauté, c'est juste d'être souriant. Et même si tu ne peux pas être souriant, prie pour ton frère. « Inna du'a'an li'akhika fi dhahri al-ghaybi » تؤمن عليه الملائكة وتقول لك مثله يا فلان. C'est cela. Le minimum du service, c'est prie pour ton frère. Prie pour ton frère. Et tu verras. Allah tabaraka wa ta'ala te rendra le même et même mieux. Prie pour ton frère. Dans le séjour, dans le dernier tiers de la nuit, etc. Sois généreux. La générosité, ce n'est pas une question d'argent. C'est d'abord et avant tout une question d'intention et de sentiment. Et des intentions et des sentiments de bienveillance vis-à-vis de ton prochain. Et tu verras le monde changer autour de toi. Et tu vas voir que la communication par la bonté et par la bienfaisance est la meilleure, et la plus juste et la plus correcte. Al-ihsanu yamliku l'insan. Jubilatil nufusu ala l'iqbali. Nous avons été façonnés de telle façon à être attirés par la bienfaisance et à être rebutés par celui qui est rude et qui est agressif et qui est justement dans ces ondes négatives. Allahumma ya arham ar-rahim ya rabbi al-alamin ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha ya arham ar-rahimin ya rabbi al-alamin la tad' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la maridan illa shafaytahu wa la hajatan hiya laka ridan wa lana fiha salahun illa qadaytaha wa yassartaha ya rabbi al-alamin ya arham ar-rahimin اللهم يا أرحم الراحمين ارطف بنا فيما جرت به المقادر قبل نزولها وعند نزولها وبعد نزولها كالله تبارك وتعالى نزاد à être dans le bel agir كالله تبارك وتعالى نزاد à communiquer cette belle religion par l'être et le paraître كالله fasse de nous des témoins et non pas des juges كالله تبارك وتعالى fasse qu'on juge nous-mêmes qu'on fasse le travail du jihad al-akbar du grand jihad sur nous-mêmes qu'on purifie nos cœurs de toute maladie, de toute ostentation, de tout orgueil, de toute vanité. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse qu'on vive en paix dans notre pays, la France. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala donne à notre pays, la France, la paix et la prospérité. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que notre pays, la France, soit en paix. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse régner la paix dans le monde entier. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous éloigne de la guerre. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous évite la fitna. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous donne l'union. L'union entre nous. اللهم ألف على الخير قلوبنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ألف على الخير قلوبنا. اللهم وحد صفوفنا. اللهم احفظنا من الشقاق والنفاق ومساوئ الأخلاق. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين اللهم اجعلنا دعاة لا قضاة دعاة بالحال قبل المقال دعاة بالأخلاق الحسنة دعاة الجمال بأخلاق الجمال أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا على قدم مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاة أمورنا اللهم اصلح مصلح على يدهم ارزقهم بطانة صالحة تستجب لهم على الخير وتعينهم عليه واحد الأخ يصلي معنا طلب الدعاء لأمه اللهم يا أرحم الراحمين شافيها وعافيها، اللهم ارحم والدينا كما ربنا صغارا، اللهم ارحم والدينا كما ربنا صغارا، اللهم ارحم مشايخنا ومن لهم فضل علينا، اللهم جزهم خير الجزاء أفضل الجزاء، إنك يا ربي أنت أهل الجزاء، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم يا أرحم الراحمين لا تواخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تواخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم اختم لنا بالخاتمة التي ختمت بها لأنبيائك وأصفيائك وأوليائك. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على من أمرنا بالصلاة والسلام عليه، سيدنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وقدوتنا سيدنا محمد عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.